Un hipster, semble-t-il. Ah oh ben Colin, on est à 70%, on va essayer de comprendre. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy y joue au Magic Zelda dans un bel de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. On n'a jamais peur ici à 70% d'aller au-delà des limites. C'est pour ça qu'on va commencer l'émission de ce soir qui va être meublée de moi, Bruno, de Pierre Tremblay et de l'excellent Bruce Barron dans le rôle du moustacheux à bien fluo. Je parle bien sûr des rôles de Challenge Ninja. Il va aussi y avoir le petit fermier oui, Grenouille enfin. Qui veut qu'on écoute sa musique. Oups, pardon. Bonjour, je suis le fermier. Écoute ma musique. Hey. Amener tous ces animaux, à part de ça, ça sent pas mal spécial. C'est le film de Godfrey O, financé par Joseph Lai. Yay! Yeah! Hey, ben sinon, c'est ça, moi je vais plugger ici un petit bout de l'heure juste avec Roy Dupuis, c'est Simon Chénier, le chaîne Nomatoscope, qui nous a fait un petit montage, puis on va revenir pour des nouvelles, et puis bien sûr des extraits magiques de l'excellent... L'excellent. Flic. Non, pas Flic ou Ninja. Non, il y a des séquences de Flic ou Ninja dedans, mais on parle bien sûr de Challenge of the Ninja. Donc, pour l'instant, c'est Roy Dupuis, interviewé par Jean-Luc Mongrain. Il y en a qui entendent ça, qui n'étaient pas nés à cette époque. Tout comme la carrière des Strokes. Par exemple. Par exemple. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'heure juste. Notre invité incarne le romantisme sauvage. Il a été propulsé à l'écran et voilà donc qu'il est devenu vedette. Il incarne même ce que le monde de l'adolescence voudrait peut-être vivre, un genre de rébellion ou de marginalité. Mais de l'écran à la vie, il y a peut-être toute une distance et c'est celle qu'emplit peut-être le vrai Roy Dupuis. Nous rencontrons Roy Dupuis dans un moment, à l'heure juste. Au départ, on a un problème d'identité. Qu'est-ce qu'on dit? Comment tu t'appelles? Roy Dupuis. Bonjour. Est-ce qu'on connaît Roy Dupuis? Oui. Est-ce que tu... Je sais pas, non. Je... C'est venu trop vite, hein? Ouais, mais là, c'est... Ouais, c'est ça marche fort, là. Ouais. Là, ça marche trop fort. Quand une femme incarne le sex appeal, joue un peu de la hanche fait voir la gale d'une jambe, on dit « Oh, ils l'ont engagée pour ça. Elle, je sais pas si elle est très forte ou si elle est très bonne. » Tu savais ce que c'était, ça? Des gens qui exigent beaucoup. Le gars qui est capable de se faire pardonner, même s'il passe à côté. On dirait que Roy Dupuis peut faire des affaires pour y pardonner. Ah oui? Je sais pas. Tant mieux. Ouais. Hein? De ne pas être pareil, c'est déjà quelque chose. De ne pas être pareil que les autres? Que la majorité des jeunes premiers ou des gens qui jouent. Mais pas de mercenaires. Mmh. On ne fait pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Parce que je peux pas... On s'arrête pour une pause et on continue. Okay. Pourquoi s'inscrire à l'École nationale sous de fausses représentations? Puis en même temps, si on n'est pas accepté, mais c'est pas nous autres qui a coulé. Hein? Comment ça se fait que j'entends ce que vous me dites? Je sais pas. Alors elle... Encore? Hein? Mais Roy Dupuis, quand il me parle, lui, j'entends. Tu comprends? Oui. Il pète l'écran. Why not? Why not? Ouais, à peu près. Qu'est-ce que tu dis à toutes ces filles qui diraient oui si tu disais pas non? Non, c'est que si vous y trouvez de beau, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il te trouve? Fatiguant, hein? Hein? C'est fatiguant comme question, mais c'est ça. T'as d'abord pas fait le cheveu ébouriffé, le mâchoire, t'as l'air d'un boxeur. Tu sais, je te dis pas que t'es laid. Qu'est-ce que t'as de charmant? Roy Dupuis, c'est beau, ça. 29 ans. C'est une question, ça. Ah, c'est une question, puis c'est une grande question, parce que je suis sûr qu'ils veulent le savoir. On s'arrête pour une pause, on revient après. Roy Dupuis, es-tu un rebelle? Je suis un gars dangereux, ça a l'air. Ben, c'est vrai? Oui, ça fait plusieurs fois que tu me le dis. Oui, non, mais j'ai peur de toi, moi. J'ai peur de ce que t'incarnes. J'ai peur de ce que t'es. Merci, Hugo. Okay. Merci. Au revoir, mesdames, messieurs. Notre prochain rendez-vous de l'heure, juste au réseau TVA. Toujours à surfer sur la limite entre le pertinent et le... Voyons. Hein? Tu sais, il y a tout le temps un petit challenge. Est-ce que ça vaut la peine de se lever pour aller chercher la manette ou on attaque sa finisse? Mercredi prochain, à l'heure juste, les abonnés de VideoWay pourront rencontrer un ex-béret blanc, écouter le témoignage d'Émilienne Desilets ou encore choisir le sujet de la semaine. Oh, ben, Tout ça grâce à votre télécommande. Tout ça, man. D'ailleurs, parlant de télécommande... Ben, vas-y, mon gars. Alors, je vais trouver ma nouvelle, parce que là, je voulais faire un lien, mais tu sais... Alors, sauvé. Ben, bon, voilà. Avec la quantité de gadgets électroniques écologiques qui sortent ces temps-ci, il était inévitable que le mécanisme de remontage ne revienne. La télécommande universelle à remontage, qui est sortie récemment, donc fonctionne avec des centaines de marques et 30 tours de cadran pour une semaine de télécommande, à peu près. Ben, c'est super, ça. C'est cool, hein? Ben, Amazon, c'est une bonne idée. Ouais. C'est une des choses les plus polluantes qu'il y a de tous les, ben, dans les choses qu'on utilise tous les jours, mettons. Les piles. Ouais, les batteries. Moi, ce soir, j'ai amené, tu vas voir, ça va être pas mal ça qui va être en background. Je suis sûr qu'on va être tanné de l'entendre tantôt, mais pour l'instant, on l'est pas encore. Voyons, thème de détective. Non, on va mettre thème de l'intro de la fin, parce que celle-là, tout le monde la connaît. Hein? Ouais. On a un instrumental des 100 watts en background. Fais une autre nouvelle, après je vais lire mon film. Ok, c'est bon. Ok, bon, on va y aller avec... Alors, si vous faites de l'embonpoint et travaillez comme fonctionnaire en Alabama, vous serez bientôt taxé. L'Alabama, classé comme troisième état le plus obèse après Mississippi et West Virginia, sera le premier à prendre de telles mesures. L'assurance santé qui vient avec les postes de fonctionnaire est normalement gratuite, mais il leur en coûtera 25 $ par mois s'ils ne sont pas en forme d'ici janvier 2011. Hey, je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de crier aux mesures discriminatoires. Sûrement. Sûrement, tu sais. Puis là, mais mettons que toi, parce que t'es maigre pis t'es en santé, tu vas moins souvent à l'hôpital pis t'as moins besoin des services. Mais là, eux autres, c'est pas pareil non plus. Non, non. Eux autres, tu payes pour tout. Tout. Pour tout. Tout, bon, tout. Ben c'est ça, en fin de semaine, ça a bien brassé. Hein. On est allé faire des clips, il y en a plein de nouveaux déjà. J'en ai monté 2-3, dont un avec un photopolice. Je pense qu'en plus, j'ai redécouvert cette filière-là. Moi, j'ai amené toutes mes photopolices, là. Idéalement, on va essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir les plastifier. Parce que c'est pas vraiment le photopolice au complet, c'est vraiment la page du milieu avec la chronique de Madame Claude, l'indispensable chronique de Madame Claude, et bien sûr le sexitation dans lequel il y a tout le temps des dessins animés cocasses. Là, ah vraiment oui, drôle. Drôle avec des situations hors du commun. Grotesque. Donc, sinon, ben, j'ai fait une première liste des most wanted, des choses qui nous manque. Là, moi, j'ai développé le besoin. Je veux les satellites popettes. Je veux vermicelle, grandeur nature en cadre dans ma maison. Je sais pas. Là. Les satellites popettes, bon. Ninja 3 domination en français, c'est quelque chose d'autre qui nous manque cruellement. On n'oubliera pas. Invasion CUBA. Ouais. C'est, ça, c'est un film pour lequel ils ont fait des détours. Vraiment, la split pour réussir à introduire des séquences de vrais tapes d'entrevue. C'était vraiment pas bon, là. American Ninja 3 et 4, en français. D'ailleurs, dans Invasion Cuba, c'est là qu'il y a la tortue mangeuse d'hommes. Oui, la très vicieuse. Qui dévore d'un montage vicieux. Ah oui, L'Intuable. Ça, c'est, je sais même pas c'est quoi le nom original de ce film-là. Les Chasseurs de la Nuit avec Don the Dragon Wilson. Ça, c'est hot parce que c'est Don qui fait comme d'habitude, il se met en bédaine, puis après ça, il munch des vampires. Parce que, tu sais, dans ce film-là, ils disent que les légendes, tu sais, il y a tout un fond de vérité. Oui. Hein? Les vampires, le coup, ça, c'est lié. Ah, ben oui. Mais c'est briser les cervicales qu'il faut. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Oublie ton affaire d'eau bénite. Là, ouais, planter de la dague. Puis pieux dans le ouais. Pieux. Puis de mettre le feu soleil. Ouais, c'est ça. Non, même, tu munches. Et puis, ben, c'est ça. Ils en font des belles affaires pour muncher là-dedans. Puis, c'est ça. On va le revoir. Mafia versus Ninja et Ninja Condor 13. Ça, c'est deux très, très, très, très, très douteux films. Bon, voilà. De Ninja. Mafia versus Ninja, c'est avec Alexander Liu, qui est sûrement l'acteur le plus sous-estimé du domaine qui nous intéresse. Et puis, ben, Ninja... Ben, Mafia versus Ninja, c'est moins 8 environ. Et puis, Ninja Condor 13, encore une fois avec Alexander Liu. Mm-hmm. Moins 9, facile. Moins 9. Puis, on l'a pas en français. Cyborg Cop 2, avec David Bradley dans le rôle de Sarah Connor. Parce qu'il faut sauver tout le long du film du cyborg, puis lui, il protège la petite fille qu'il faut qu'elle survive. Parce ouais, que ouais. Sinon, il n'y a plus de but. Et puis, bien sûr, Bloodsuckers from Outer Space. J'ai fait des petites recherches là-dessus, parce que il y a comme une veine psychotronique. Je sais pas si t'as déjà vu Bloodsuckers from Outer Space. J'ai pas celui-là en particulier, mais... Il paraît que c'est un village au complet qui se sont dit, faut faire de quoi pour remonter le tourisme. Ils ont tourné un film avec ce qu'il y avait à leur disposition. Ah. C'est-à-dire beaucoup de motivation. C'est ce qu'il y avait à leur disposition. Puis la caméra à Jean-Paul. Eh, hey, voilà, hein. Mais pas les fins de semaine, parce que moi, je m'en vais dans mon chalet puis vous la prête pas. Hein, bon. Non, sinon, bien sûr, il faut pas oublier que 19, 20, 21 septembre, ça va être les troisièmes championnats européens du Rubik's Cube en Espagne cette fois-ci. On va essayer d'avoir Johnny Machine qui va jouer dans un coin au Rubik's Cube là, pour aider tous ceux qui vont tournoyer. Là. Ouais, c'est ça, pour encourager un peu. Mmh, ouais, ouais, ça va être super. Et puis, bien sûr, on vous invite à penser un petit peu présentement à toutes ces personnes qui vivent des moments vraiment difficiles dans un champ gauche, sur un terrain de baseball quelque part. Mm-hmm. Moi, je leur envoie vraiment une petite félicitation. Et puis, ben, sinon, chose qui est très intéressante, la WCA, c'est la World Cube Association. Ça fait un lien avec le Rubik's Cube. Il y a une institution le sport en solitaire. Un peu comme le champ gauche. Oui, un peu comme le champ gauche. Là, mais, hein. Non, mais c'est parce qu'il faut... Tu sais, mettons, là, tu peux pas avoir un vert forêt numéro 43. Tu peux pas. Ouais. Non. Ouais, parce que ça ressemble trop au bleu marine numéro 36. C'est ça. Fait que tu vas prendre plutôt... Non. Hey, hein. Non, ouais. Ben, je viens de parler pas mal. Je pense que je vais shooter une toune à la place de parler de mon film. C'est Challenge bon. Ninja. Mais avant, parce que... Mais avant... Oh. Un cochon rose. Un mouton bleu. Un cochon mouton. Un cochon devant, un mouton derrière. Que c'est bizarre, qu'est-ce que ça va faire? Un cochon mouton. C'est rigolo. Voyons, c'est quand qui arrête. Mettons, t'es le parent, t'ajoutes ça à ton enfant, là. C'est comme ben, le Seigneur des Anneaux, man. Ben, ça crée des animaux mythiques. Ça aide à développer l'imagination de l'enfant. Ouais, ouais, ça n'a pas le choix. C'est pour ça. Un mouton cochon, là, j'avoue que t'es pas mal long. Non, ben, ok, on va shooter ça, là. Ça va être, ben, toi, choisis Microbenroll ou Martin Bibeau. Alors, je vais y aller avec le premier. Microbenroll, bien ouais. Sûr, c'est le microbe, Microbenroll. Le Microbenroll, ouais. Le Microbenroll. Le micro est drôle. Bonjour. Alors, on enchaîne avec des nouvelles. Blake Peeble, de 16 ans, est bon aux jeux vidéo, mais il n'a jamais été bon dans quoi que ce soit d'autre. C'est pourquoi ses parents lui ont permis de lâcher l'école pour se concentrer sur sa carrière de gamer professionnel. Il possède un Xbox 360, une PlayStation 3 et une Wii, ainsi qu'une collection de guitares en plastique. Car en ce moment, il s'entraîne plusieurs heures par jour pour la compétition de Guitar Hero 3 qui aura lieu bientôt en Californie. On lui souhaite bonne chance. C'était mon human interest story pour la journée. Hey, parce que s'il l'a pas, ça va pas. Là. Ah non, mais c'est comme, mettons, aller aux Olympiques, le rêve, la première fois. Il va falloir qu'il retourne à l'école, t'imagines. <t'sais. rire> Hey, mais tu veux-tu aller un autre? Je vais aller de l'autre bord voir ma feuille de découpage. Là. Parce qu'il y a des affaires qui marchent pas. Ok, c'est bon, je vais essayer d'en pogner une popée. Attention. Je trouve les temps où c'est correct. D'accord. Alors, révolution dans le domaine sanitaire. Alors, si Israël est à l'écoute, on parle ici de caca. Le Echo John est une toilette sans eau avec un système d'incinération au propane. Le Echo John est la première grande révolution dans le domaine depuis 100 ans et est, selon les inventeurs, meilleur, plus propre et bon pour l'environnement. Après avoir fait votre commission, vous fermez le couvercle et une grande vis attire les déchets vers une chambre d'incinération qui cuit l'urine, les selles et le papier en cendres. Pour passer la classification, puisque les règles de sécurité ne sont pas encore établies pour les toilettes à brûleur, le Echo John est considéré comme un barbecue. Hein? Fait qu'ils les mettent dans la même rangée. Ouais, c'est ça. OK. OK. Ben, ça fait réfléchir. Moi, je trouve que c'est parfait. Hein? Je trouve que, d'ailleurs, on va mettre un instrumental gentil pour célébrer ça. Hein? C'est bien sûr de la trame sonore du club des 100 watts, encore une fois. Encore une fois. Fait qu'ils vendent des toilettes comme si c'était des barbecues. Ouais, ben, tu sais, vu qu'ils brûlent le caca au lieu de l'envoyer dans l'eau, tu sais. Ouais, vu que c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est, ouais, c'est, j'avoue. Il y a du propane. C'est au propane. Tu es content. Ça peut devenir autosuffisant parce que le méthane, hein, tu sais. Ça a même déjà été une théorie très, très retenue sur la disparition des dinosaures. Ouais, ils ont tellement pété qu'à un moment donné, ça l'a explosé. Comme dans Mortal Kombat quand tu fais finish him. Non, mais sinon, 1986, Godfrey Joseph Fly, c'est, voilà, j'ai décrit le film Challenge of the Ninja. Y a pas grand chose d'autre à dire à propos de ça. Je vais retourner marcher sur la très métaphorique Grande Allée. Version Escher, peut-être que ça peut être le scénario du film de 1986, qui se veut un hybride des motivations des deux, même que d'habitude. Holé! Je dois ouvrir une parenthèse semi-justificatrice. Pour l'instant, on va mettre ça, donc, le Challenge of the Ninja de côté. Ce qu'on fait ici, c'est d'explorer le douteux. Tout peut se voir appliquer l'étiquette qui nous intéresse. Tout devient douteux quand c'est hors contexte. Dans cette ligne de pensée, myself et I, on s'est les cinq mis d'accord pour laisser le douteux pornographique de côté. Comme le dit jadis le gros inutile lors de ce qui devint son dernier show de sexe et confidence, à chacun son petit jardin secret. La différence entre moi et lui, c'est que tu peux saucer ton beigne dans une tasse de café, mais pas un ballon de soccer. Non. Sinon, ben lui, il peut continuer de tenter de... Sinon, lui, virgule, pour continuer de tenter de ranimer ce qui, quand je parle, me crée en tête une image mentale d'une méduse morte échouée. C'est que le gros de Sexe et Confidence était gêné de parler de sexualité, alors qu'il est dans une émission que non seulement c'est le premier mot de l'émission, mais en plus c'est l'ensemble R de ce qui constitue leur réalité. Show TV à TQS. Après-midi. Moi, j'ai passé une autre grosse fin de semaine à voguer sur le propos marginal et socialisant qu'on essaye de soutenir. Ça veut dire que moi, ça m'aurait fait plaisir d'en parler de sexualité si j'avais été le gros épais dans son contexte. Nope! On décide pas ce qui nous fait bander, et puis ben, c'est là une des grandes joies de la vie. Les chances sont plutôt contre que ça m'intéresse de parler avec une personne des choses qui me font bander et d'en entendre parler de elle à moi, de choses qui la font bander. Cela dit, j'ai bien sûr un petit folder de douteux, pas de bobettes dans mon ordi. Stallone dans la douche. Démons qui veulent envahir notre dimension, mais qui ont besoin de sécrétions vaginales de jeunes vierges. Toujours un classique. C'est ça, tu sais, pour aller, je sais pas, moi, à Québec, tu passes par Miami. Ron Jeremy, qui met son chevalier podcast dans sa bouche. Bien sûr, Blanche-Neige et les sept nains doublés par le même gars. Tentacule plus vagin. Et puis, ben, des choses... Il y a une chose que j'avais vraiment envie de parler, puis c'est ça qui me motive à faire ce petit justificatif-là, c'est que je voulais rediscuter de Two Girls, One Cup, parce que j'ai décidé de le downloader. Ça, là, ben, ça m'a pris longtemps avant de décider de le downloader. C'est à cause, bien sûr, de la séance de justification d'en haut que ça me tentait pas de le downloader. Et puis, ben, tout spécialement, la chose qui m'a fait aider à ça, c'est que c'est vraiment une expérience sociale. Tout le monde l'a vu, tout le monde a eu des réactions à ça. Moi, je pense que c'est un point tournant dans la culture populaire. Ben oui, vraiment. Vraiment, c'est ça. Puis, ben là, à cause de ça, bien sûr, là, Two Girls One Cup, c'est vraiment comme le deep throat du fécal sexe à crédit, mettons, là. Mais c'est aussi, et puis ben c'est surtout à cause du formidable impact social que j'ai décidé de le downloader. Ce qui veut dire qu'après ça, Two Girls One Finger, je sais que ça existe, mais tel le fan de ces gars, je m'arrêterai à mon argument blindé. Two Girls One Cup était là avant. C'est meilleur. C'est meilleur. Puis moi, vu que je suis un hipster, je vais dire que je connaissais ça avant que les autres le connaissent. Ben, mais hein, tu connaissais ça quand c'était One Girl, One Cup. Hein? Avant que ce soit deux. Donc, OK, on va se lancer, bien sûr, dans l'aventure Challenge of the Ninja, parce qu'il y a un film de ninja fluo autour de ça. C'est dans ce film-là qu'il y a le ninja qui se déguise en branche, qu'on a vu souvent. Et puis, si vous êtes des habitués de l'émission, vous avez sûrement déjà entendu des extraits tirés de ce film-là. Un excellent olé. Dans Fiku Ninja, c'est Pierre Tremblay le méchant. C'est vrai. Dans ça, c'est Pierre Tremblay le méchant. Parfait. C'est du bon travail. Maintenant, tu peux aller dire à Sted Deville qu'il me donne le pèse, compris? Ouais, boss. Par la même occasion, n'oublie pas de demander à ce Gripsou qu'il vaudrait mieux qu'il me donne le double que d'habitude, sinon je crains de devoir le buter. Puis j'ai mon gars, les filles, j'ai pas de temps à perdre. J'ai mon gars, les filles, j'ai pas de temps à perdre. Donc on bon, comprend. Qu'est-ce que t'attends? Ce qu'on comprend, mettons, c'est que Pierre Tremblay, le boss des méchants dans ce film-là, est non seulement méchant, mais il a pas un agenda ben rigoureux. Hein, parce que là, il dit ah, ben, oublie pas de lui dire, je viens de doubler le prix. Hein? Hein, sinon, ouais. On va faire un détour, mais aller le tuer. Hein? Parce que, hein, tu sais, wow. Puis là, bien sûr, là, le messager s'en va voir le gars en question, qui est le sous-fif de Pierre Tremblay, qui est le boss des méchants. Tu sais, déjà, c'est lourd. Oui, il s'entraîne. C'est un troisième rôle qu'on s'en va rencontrer. Là. Oui, il s'entraîne. Ben, en fait, c'est comme le bras droit du boss des méchants. Là, on suit le troisième rôle. Là. OK. C'est ça, c'est lui qui vient de parler. Là. Il rencontre les filles dans l'escalier. Il y a une discussion très utile pour que le scénario soit 30 secondes plus long. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est là? Il s'entraîne? Pour vrai? OK, on va aller le voir. C'est ça. Hein? Et voilà, montage de Kung Fu ici, c'est bien important. Le gars s'entraîne. Est-ce que c'est personnel? Voyons. Vous êtes le meilleur. Ah oui? Merci. Je lui ai donné les diamants. Bon, eh bien, ce bâtard doit être heureux. Il t'a donné une réponse à ma proposition? Non, il m'a rien dit à ce propos. Par contre, il veut le double pour plus tard. Mais pour qui se planter une merde? Pour kidnapper le fils des Gudson. Avec cette rançon, on pourra s'en sortir. Bien, patron. Donc. Encore une chose. Les flics sont en effervescence, fais bien attention, ils nous guettent. Méfie-toi surtout. Un flic qui se prénomme Marc. Fais attention de pas tomber dans l'escalier. Compris? Ouais. Donc, là, ce qui se passe, là, c'est qu'on s'en va voir un moustachu qu'on n'a pas encore rencontré qui fait du katana dans un parc. Mais également, moi, là, j'ai commencé le film quand il disait le premier mot. Ça veut dire que depuis qu'ils ont parlé, ils ont commencé, le sous-fif a amené de l'info comme de quoi que ça va être plus cher. Mm-hmm. Le boss réagit sans aucun besoin de ponctuation en planifiant un kidnapping de jeunes de millionnaires. Et puis après ça, il rajoute la linéa. Sûrement qu'on va ramener un autre personnage tantôt. Fais attention à ce flic-là. Puis on a établi aussi que c'était le meilleur. C'était le meilleur. Ça, c'est très important parce que sinon, t'as un HP. Si t'as un ninja, t'es le meilleur. T'en as plein. Sinon, t'en as un. C'est ça la vie. Donc, encore un gros, mettons, un duel d'acting ici entre Bruce Barron et l'excellent Pierre Tremblay. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hong Kong, voyons. Je ne mens jamais. Ce sera ton problème au juge. Et voilà, il s'en va voir le juge. C'est Billy, on va revenir à Billy tantôt. C'est ça que je veux. Il faudrait que vous me signiez ce papier. On a payé la caution de Billy de Gouzon, il faut le relâcher. Il dit qu'il était en légitime défense. Quoi? Vous voulez que je laisse cette espèce de merdeux sortir de prison? À défaut de coffrer le père, je coffre le fils. Belle opération, non? Oh, vous mijotez un bon coup, non? Vous savez que depuis quelque temps, j'essaie de coincer ce maudit tête de ville, mais je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps qu'il avait un type au-dessus de lui, une grosse tête qui le mène par le bout du nez, et je veux savoir qui il est. Et alors? Voilà. Je me suis dit que ce gosse pouvait mieux nous servir dehors qu'enfermé. Il peut nous permettre de piéger tête de ville, vous ne croyez pas? Vous en servez comme pigeon. Je suis pas content que vous preniez des décisions à ma place sans me demander mon avis. Vous vous prenez pour qui? Et moi, de quoi j'ai l'air, Marc? Qu'est-ce que vous voulez? Prendre ma place, c'est ça? Je suis navré, inspecteur. Oubliez ça. Ne me prenez pas pour un imbécile. Et par pitié, si vous avancez dans votre enquête ou si vous préparez quelque chose, soyez aimable de me prévenir avant. Et pour Billy de Gouzon? C'est bon. L'attention, hein. Oui, c'est vraiment... Merci beaucoup. Je me souviendrai de vos conseils. Ne vous en faites pas, vous êtes toujours mon meilleur élément. Ah. Je ne vous en veux pas de cette maladresse. Merci beaucoup, inspecteur. Hé, hey, Buddy, tu peux faire sortir le môme. Merci. Donc, ici, là, ce qui vient d'arriver, là, il a dit quelque chose à quelqu'un qui était hors champ pour qu'on puisse passer à la deuxième histoire. Parce que c'est un gars de Fréau, Joseph Fly. Il y a deux histoires mélangeantes. Puis là, ben, il dit quelque chose ailleurs. Ouais. Là, ben, voilà, on passe à autre chose. Ouais. Fait que là, il va aller délivrer Billy, le petit garçon qui s'est fait attaquer dans un pit de sable par des motocross. OK. Dans les trois minutes qu'on n'a pas vu entre les deux qui parlaient. Ben, lui, s'en va à prison. Puis là, ben, il se fait libérer sous caution. Puis là, c'est ça, on va suivre Billy, qui est la deuxième tranche d'histoire. Très attachant. Il ressemble à Francis Reddy en Pete. Pierre, garde ce papier sur toi. Tu peux en avoir besoin. N'oublie pas quand tu reviendras. Et souviens-toi, si tu fais le con encore une fois, dans les trois prochains mois, on ne pourra rien pour toi. On ne pourra pas te venir en aide, t'as compris? Hey, tu m'as bien compris. Oui, j'ai bien compris. C'est parfait. Je nage du crawl dans Graville. Hé, Marc, quoi de neuf sur ce ninja? Il a bien voulu cracher? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez déjà vu un type ne rien dire quand il a la corde au cou, inspecteur? Moi, jamais. Vous êtes une ordure. Bon, alors, qu'avez-vous découvert? Vous voulez vraiment le savoir? Bien évidemment, je suis votre chef. Bon. Vous vous souvenez de tous ces vols commis dernièrement? Oh, oui. Je croyais que cette affaire était close. Hey, man, ça avance au ralenti. Si c'est un coup de Tef Deville, je me demande ce qu'on attend pour le coffret. Voilà. Attendez. Il est vrai que c'est ce ninja qui a commis tous ces vols pour le compte de Deville. Seulement, il y a un hic. Même si ce Deville reçoit un pourcentage, il y a un mec par derrière qui récolte le gros paquet. Vous me comprenez, chef? Vraiment. Ça m'est égal que ce soit ce Tef Deville ou un petit bonhomme vert venu de la planète Mars. Tout ce que je sais, c'est que ces connards me donnent des ulcères à l'estomac. Alors soyez efficace, Marc, sinon on passera pour des crétins. Ça, je le sais. Alors quoi? Moi, ce que je veux coincer, c'est ce gros PD qui profite tranquillement de tout ça. Vous continuez à vous occuper du ninja. Et vous confiez le reste à un de vos collègues. Ouh! D'accord, je vais suivre Billy de près. Vous avez autre chose à me dire, inspecteur? On n'est pas loin du rendre oui, l'arme et la badge. Essayez de ne plus me faire passer pour un con. Hein? Cela fait seulement deux fois en les deux fois qu'on se parle. On va aller saucer ici un petit peu. Ça va être. Tiens, on va commencer par une page de publicité parce qu'on adore ça. On vous revient à 70%. Allô? Je me suis levé au matin avec le goût de me prendre en main dès aujourd'hui. Ça fait longtemps que je sens qu'en moi il y a une idée qui fait du chemin. Ça dans le goût. Oh, okay. J'ai ça dans le goût. Puis j'ai line. Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... C'est vraiment notre meilleur, celle-là. Il dit, bon, ça suit, là. Hein. En tout cas, vous allez vraiment savoir. C'est hein? ça. Bowling en fait, jamais. Bon. Nouvelle. Alors, Monterrey au Mexique, l'ancien détenteur du titre d'homme le plus gros au monde est sorti de chez lui grâce à un chariot élévateur, un camion à plateforme. Manuel Uribe est allé faire une balade le long d'un lac au nord du Mexique. Heureux de sa sortie puisqu'il faisait frais et qu'il semble, pour des raisons indéterminées, dérangé par la chaleur. Uribe, toujours incapable de marcher, avait dû abandonner son dernier voyage à l'extérieur en mars dernier alors que son camion était resté coincé sous un viaduc. En mars dernier, il avait planifié un voyage à l'extérieur, ça a pas marché. Ça a pas marché. Fait que là, il aurait essayé au mois d'août. Ouais, puis ça a bien fonctionné. Il a fait venir un camion remorque parce qu'il fallait qu'il sorte de chez eux. OK. Discrimination, même. Ben ouais, non, c'est pas... Il faut les laisser sortir, eux autres. Où mon camion remorque, moi? Ben... T'as rien qu'à être gros, arrête là. Ah, travailler là-dessus. Puis on va y aller avec une tout petite là. Voilà, finalement le Bigfoot qui avait été retrouvé mort dans le bois n'était qu'un coup monté. Les gars ont acheté un costume de gorille qu'ils ont fourré dans un congélateur comme preuve de leur découverte. Ce qui me pousse à crier un très sincère. Oh ouais. Ils ont acheté un suit de gorille. Ils ont crissé ça dans un congélateur. Ils l'ont mis dans un congélateur. puis on prend des photos de ça. On a trouvé Bigfoot. On l'a mis dans notre congélateur. À l'époque, c'est qu'on l'a trouvé, par exemple, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Oui, puis en fait, il y a un dépanneur. J'étais allé acheter de la glace, là. Ah, y a, merci, Bruno. Hein, c'est une idée belle, hein? Ouais. Pauvre monsieur, il est allé prendre une balade sur le bord du lac. Mais oui. Tiens, peux-tu lever mon repli là-bas, hein, pour aérer? Hein, ce serait fin. Sinon, ben, je vais tomber dans la poésie ici un petit peu. La vie est si fragile, tout comme Maury est un débile, tout comme Gary est si Daniel, tout comme le vomi, ça goûte la bile, tout comme jouer à la Wii, c'est si facile, tout comme la vitre, c'est si fragile, tout comme un incendie chez le voisin Gilles. Maintenant, j'espère que ça va s'en aller, là. J'ai fait ce qu'il fallait. Oui, oui, tu l'as exulté. Ah oui, voilà. Hey, je pense qu'on va remettre la toune de John Lajoie de la semaine passée parce que c'est notre scoop à nous autres. C'est notre scoop à nous autres. La star, elle existe ailleurs. Elle était à nous autres en premier. Puis d'ailleurs, j'ai trouvé moins bonne la deuxième fois, j'ai entendu. Ouais, ben, moi, je l'ai trouvé moins bonne quand elle n'était pas à notre émission. C'est fort, ça. C'est fort, ça. Fait qu'on vous laisse avec John Lajoie, sa version de trash metal, là, de Stay at Home Dad. Yes. C'est un papa qui a pas de job. Il n'y a pas de mal à jouer le robin des bois. Je prends aux riches pour donner à un pauvre petit ours, moi. Attends-moi ici, frère Boubou. Sa flûte de pan vous convient à écouter les plus belles mélodies de l'heure. Relaxez en écoutant L'Aigle Noir, ainsi que pour une dernière fois, Unforgettable, Cœur de loup, Bang Bang, I Will Always Love You, Sunrise Sunset, et sans oublier Hasta la Vista, La Belle et la Bête, Bamboleo, Only You, Ocarina Song, Lara, Unchained Melody, Qui a le droit, et la magnifique chanson de Michael Jackson, Heal the World. La magie de la flûte de pan, en vente dès le 15 juin chez tous les bons disquaires, distribution Musicor. La magie de la flûte de pan. Hey, hein? La magie. C'est beau, hein? La magie de la flûte de pan, c'est ouais. Très beau. On va faire un petit bloc Japon. La police japonaise a appréhendé un individu de 20 ans après s'être fâché contre des étrangers qui le regardaient un peu croche, les a attaqués et leur a volé $160. C'est que le jeune homme, voyez-vous, portait un costume de Winnie the Pooh et était accompagné par deux de ses amis, une souris et une panthère. Il portait, semble-t-il, ses vêtements car il n'avait plus de linge propre. On va continuer avec le Japon. Ils sont forts au Japon. Alors, nouvelle variété de raisin au Japon, le rubis romain se vend pour $920 la grappe. Ils ont la particularité d'avoir la taille d'une balle de ping-pong et d'être des raisins. En terminant, oubliez la crème glacée à la langue de bœuf. Mon nouveau préféré, c'est le energy drink à l'anguille avec du vrai extrait d'anguille dedans. Un véritable extrait d'anguille. Un extrait d'anguille, est-ce que, mettons, tu peux prendre ça dans des boyaux? Ah oui, c'est de là que ça vient d'ailleurs. Ça vient des boyaux, ça vient les extraits d'anguille. Ça vient des boyaux. C'est beau, hein? Oui, parce c'est pour la santé. Reste pour le mettre dans les sushis. Ben oui, mais on sait à quel point, mettons, que hein, les anguilles, c'est reconnu pour être vigoureux. Ah, ben collé. Ça revivifie. Ben oui, ça, puis... Je sais pas comment ça peut goûter, là, mais... Sinon, ben, hein, c'est ça, on vient de rentrer, là, hein, nous, on va aller prendre une petite balade, là, sur le Olay Boulevard. Et découvrir les quartiers pittoresques du film de ce soir, l'excellent Défi du Ninja. Challenge of the Ninja, il y a des bouts de flics ou ninja dedans. Amusez-vous à essayer de les reconnaître, là, ceux qui s'en rappellent. Ben, sinon, il y a le ninja déguisé en branche au tout début, à la 2 minutes 43 secondes. Il n'y a même pas de générique. Le ninja déguisé en branche. Elle commence fort, ça. Le camouflage. Il y a des gens, ils se camouflent. Ils ont des gilets orange fluo dans un bosquet. C'est correct. C'est un ninja. Il est invisible. Oui. Vengeance ci, vengeance là. Des séquences de bureau 4 fois 100 mètres dans mélasse. Personnel ci. Plus personnel là-bas. Ninja lui, ninja toi. Hein? Ajouter des moustaches. Des Hong Kongais suants, des panneaux publicitaires dans le front de chacun des ninjas, des discussions avec des personnages qui sont non seulement hors champ, mais peut-être même pas sur le plateau de tournage, peut-être même pas en ville, puis peut-être déjà décédés. Brasser à vitesse ralentie avec bruit de tape en écho et questionner. Encore une fois, rappelez-vous l'expérience de Flic ou Ninja. C'est pratiquement la même chose. On va présumer que le walkthrough de la version PC devrait concorder avec la version PlayStation 2. Hein? D'habitude. Encore une fois, le scénario est ce que Olay veulent quand ils le veulent. Dans le sens qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils n'obéissent à aucune loi. La seule loi, même c'est la leur. Même pas celle de la diégétique. C'est ça. La seule loi, c'est la leur. Avec eux, des mots comme chronologie, raccord, crédibilité, c'est des suggestions. Tout comme manger plus de fibres, faire du sport ou partir le saxophone seulement quand elle a fini d'enlever sa brassière. C'est inutile d'essayer de comprendre les vecteurs de motivation des personnages. Il y a peut-être juste Billy, celui que j'ai pas beaucoup parlé, puis qu'on va revoir, c'est notre deuxième side quest story. C'est direct comme Flic ou Ninja aussi, je veux dire, dans Flic ou Ninja, les ninjas commencent, sont méchants, il est gentil, il s'aime pas. Puis il y a une histoire de quelqu'un qui a des motivations en dessous, là, comme une vengeance personnelle. Ben donc, seul Billy, qui se veut un hybride inquiétant entre Demi-Lune et Badino, le Péruvien, perd sa famille durant un stock shot en flashback découpé d'un autre film. C'est personnel. Ben oui. Il vient de perdre sa famille. C'est clair. Il reprendra connaissance dans un village où un stéréotype de vieux maître chinois va consentir à lui faire subir un montage d'entraînement pour remplir les conditions menant, bien sûr, à la vengeance personnelle tant désirée. En parallèle, on a l'histoire de Bruce Moustachu Baron qui doit encore considérer Pierre, qu'est-ce qui fait Hong Kong trembler comme le maître de trois gros lards de ninja. Tu sais, hein, il y a trois gros lards qui sont méchants. De ninja rouge? C'est ça. Ah, okay. C'est ça. Là où ça gagne en doutisme par rapport à Flic ou Ninja, c'est que rappelez-vous l'histoire en parallèle de celle de Tremblay Baron dans Flic ou Ninja? C'était vraiment une affaire de vengeance personnelle. Si dans ce dernier, donc, dans Flic ou Ninja, l'histoire en parallèle était une vengeance de femme assouvie à coups de poison et de charme, Billy, même avant son montage d'entraînement, kick des culs en bois vert de Normandin, man. Vulgaire, hein? Olé! L'un Hongkongais, l'autre Coréen du Sud-Est. Les seuls capables de parker un Winnebago dans un rack à baissier. C'est les seuls. Tu sais, comment qu'ils font? Des fois, t'as un raccord. Hein? En tout cas. Hein, on n'embarquera pas là-dedans. J'ai fait des belles métaphores. Tout le monde, on essaie de comprendre. C'est de la poésie. D'ailleurs, je voulais m'excuser parce que la semaine passée, j'avais mis Two Girls, One Cup au show. Ben, au visionnement. Ben non, mais c'est ça. Mais je voulais juste mettre un petit bout au début pour que le monde le reconnaisse. Mm-hmm. Puis skipper avant que ça devienne fécal. Ouais. Mais Chris, ben, ça devient pas fécal beaucoup de préliminaires à leur affaire. J'ai pas dégainé assez vite. Là, fait que, c'est ça. Je voulais m'excuser. Je vais le faire plus tantôt avec les autres. Et puis ben sinon, bon, on va retourner se saucer dans l'ambiance dynamique du Hong Kong des années 80. Dans le temps que c'était encore une... C'est comment ça s'appelait? Une colonie britannique. Ouais, ouais, c'est un Dominion, en fait, parce qu'il l'avait loué. Ah, j'en fous, là. Je pèse play, là. Puis, vous allez voir, c'est Billy. On va suivre Billy dans ce bloc-ci. Billy, le fils de millionnaire, c'est lui que les autres voulaient aller kidnapper. Ouais, c'est ça. Puis, qui était en prison. C'est ça. Parce qu'il s'était défendu quand ils ont essayé d'aller le kidnapper. OK. Ah, c'était ça le setup. De pit de sable en motocross. De pit de sable en motocross. C'était important d'aller au pit de sable. Ils l'ont loué. Fait que je pèse play, on écoute Billy et son père. Je suis un homme très estimé. Mais pourquoi essaies-tu de faire tout ce que tu peux pour me détruire? Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu ne penses donc pas à ta famille? Se faire arrêter par la police pour coups et blessures volontaires, c'est trop, ça. Billy, ton père n'a pas tort. Écoutez, monsieur. Tu sais pourtant qu'il désire se présenter aux élections sénatoriales l'année prochaine. Alors pourquoi? Nous devons faire bonne impression. Mais tu sais, c'est difficile avec toi. Mais papa, écoute, je t'ai déjà dit que je n'ai fait que me défendre. Ces types voulaient m'enlever et il fallait bien que je fasse quelque chose, non, bon Dieu de merde? Ferme-la, Billy. Je ne te crois pas. Tu as toujours fait en sorte de reporter la faute sur les autres. Tu vas dire pourquoi tu t'es battu. Tu as très grièvement blessé ce pauvre homme. Et qui est-ce qui va réparer les pots cassés encore une fois, hein? Moi, comme toujours. Papa, tu m'as toujours dit qu'on devait se battre contre l'injustice. Je me trompe, c'est ce que j'ai fait, non? Bon, admettons que tu nous dises la vérité. Il doit y avoir un homme ou bien une femme qui a dû voir ce qui s'est passé. Un témoin, en d'autres termes, pour le savoir, il suffit de passer une annonce dans un journal et au moment du procès, il témoignerait. Oh, mais c'est des pleins sentiments humains. Des beaux personnages bidimensionnels. Ah oui, tu sais, c'est ça. T'as même pas le temps de, comme, t'accrocher. Tout de suite, ça switch. Là, on est rendu avec des ninjas, les trois gros lards qui s'entraînent. Ah. On va bien sûr aller bientôt subir un laïus de boss des méchants ninjas qui est un Québécois que je sais pas ce qu'il fallait. Peut-être qu'on devrait essayer de le trouver. Puis de l'inviter. Ça serait Là, il pourrait rire de ses propres films avec nous. Parce que, tu sais, je veux dire, comme on a dit avec Richard Harrison, les films de Godfrey O. Joseph Fly ne sont que des hybrides des autres. Mm-hmm. Richard Harrison ayant été payé pour 3 films et apparaissant dans 82. Il faut se remuer vite. Oui, maître. L'homme s'appelle Billy. Lui et son père vont nous mettre des bâtons dans les roues et moi, je ne veux pas. À vous de jouer. Vous serez satisfait, patron. Pas. Mais je veux du travail propre. Il ne faut pas laisser de traces. Entendu, patron. L'autre problème, c'est Marc, il fouille trop. Il a coffré Philippe. Il devient bien trop dangereux. On commence à pas pour l'empêcher de nous nuire, ok? Marc fouille trop. Mais faites bien attention. Lui aussi, c'est un ninja. Aha! Est-ce que c'est un flic ou ninja? Faites bien attention, oui, en fait. Il était là. Là, Billy va se battre. Ses parents vont mourir. On s'en fout. Là, il s'en va au funérailles de ses parents. Et puis là, ben, c'est la transition, hein. Avant que ce soit personnel, vers le après que ce soit personnel. Assumer sa vengeance. Billy, ne sois pas comme ça. Tu sais bien que je ne désire qu'une chose, t'aider. Merci bien. Mais je me débrouillerai tout seul. D'après la description que tu nous as faite, ces hommes étaient des ninjas. Que peux-tu me dire d'autre, mon vieux Billy? À mon avis, ce sont des sbires de tête des villes qui ont fait le coup. Tu ne crois pas? Autre chose, je te conseille de rester tranquille et de ne pas chercher à les combattre tout seul. Je les réduirai en miettes. Je ferai payer à ces ordures ce qu'ils ont fait à mes parents et à ma sœur, je le jure. Oh, ne sois pas stupide, Billy. Laisse-moi m'occuper d'eux, je t'en prie. Ce serait quand même dommage que tu risques ta vie, toi aussi. Alors écoute-moi. Bon, maintenant, il faut que je parle. De faire durer la passe du bureau. Mais souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. C'est mon travail. Est-ce que c'est Marc, ça, le personnage de remplacement de père qu'on vient de rencontrer? Marc, oui, effectivement, Marc, c'est le héros. C'est le Fleku Ninja. Le Fleku Ninja, alias Bruce Barron, alias Moustache Tranquille. Il a l'air de comme François Massicotte, sous-alimenté. Ouais, un peu. Un ninja très technique. C'est pas possible d'avoir une tête aussi dure. Billy, tu sais que tu risques de retourner en prison. Reviens, Billy. Bon, attends, on va aller, je viens avec toi. Bon, voilà, hein. Il y a tout le temps moyen de faire un consensus. Là, on va retourner vivre des aventures. En fait, c'est Billy qui va se battre contre un chien, c'est ça? Hey, ça perd le... Ah, c'est ça, c'est que le boss qui s'entraînait tantôt quand le gars montait les marches, il a envoyé des méchants pour aller... Mission accomplie. Voilà. Ah, bien sûr, patron, ça, c'est une affaire réglée. Ils ont tué le père. Vous savez, pour nous, maintenant, tuer des gens, c'est du gâteau. À présent, couper le gâteau, couper la famille de Goodman ne pourra plus nous ennuyer. Les affaires continuent. Vous êtes content, j'espère. Vous avez encore du travail? Oui. J'ai une grosse opération de prévue, mais Dick commence à me gêner. Et voilà, ce qui nous amène à la fin de mes extraits. Il y a une grosse opération de prévue. Si vous voulez savoir c'est quoi... J'ai battu tous les records avec celle-là. Je suis rendu à la 21e minute, j'ai eu tout ce que j'avais. Imagine, là, ils disent pas de moins en moins les mots ninja et vengeance. Ah non, non. Non. Non, non. Pas jamais de moins en moins. De moins en moins n'existait pas. Eh, shit. Alors, il y a Antonio Rungi, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un prêtre italien qui lancera en septembre sur son blog le premier concours de beauté pour sœurs catholiques. Vous pourrez donc aller voter pour votre préféré du Miss Sister Italy. Le but étant, en effet, de prouver une fois pour toutes que les nonnes, comme les femmes police, comme les troqueuses, peuvent aussi être belles. Après avoir gardé les livres qu'elle avait empruntés à la bibliothèque pendant un an, avoir ignoré 4 lettres, 2 téléphones et une convocation au tribunal, Heidi Dalibor a été arrêtée par la police cette semaine. Elle a dû payer son amende de 170$ pour être libérée. Elle n'a par contre pas l'intention de se présenter en cours, ni de rapporter les livres, car, dit-elle, je les ai payés. Oh! Elle a compris le principe. Elle n'a pas compris, moi, c'est ça. Peut-être qu'elle n'a pas lu la carte de location à la bibliothèque. Je pense que non. Façon de louer à la bibliothèque. Elle s'est ramassée en prison, pareil. Tu sais, c'est pas pire. Puis elle n'a pas compris. Bien, non. Non, mais elle a un point. On va le garder. C'est un monde libre ou ça ne l'est pas, hein? Bon, ben merci beaucoup tout le monde. Je reprends mon... Est-ce que j'avais un petit laïus de la fin? Oui! Là, on est à 21 minutes 40 secondes quand on a arrêté. À 25 minutes 30, il y a un flashback que je pense qu'il fallait que je mentionne ici. Un flashback dans Challenge of the Ninja. C'est vraiment indécent. Ils partent vers le passé du gars qui habite le chalet puis qui se veut le frère de l'entraîneur que l'autre était chanceux de tomber dessus. Fait que, tu sais, t'es vraiment rendu un flashback de troisième rôle. C'est quelque chose d'assez weird. Donc, ce soir, au Brouhaha, Challenge of the Ninja, c'est du holy, du vrai. Sinon, ben, merci beaucoup. C'est 70%. Un 70% sympathique et à la bonne franquette. À la bonne franquette, ah oui, avec des extrêmes ninja. Avec des extrêmes ninja et... pas d'Israël. Ouais, ça c'est vrai. On dit salut à Israël, salut d'ailleurs, Israël, qui est en train de repenser sa vie dans un autre endroit. Et voilà. Donc, on s'en va au brouhaha. Bonne fête soirée, vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Tu as été un maître pour moi. Merci de m'avoir enseigné ton art. Jamais je ne l'oublierai. Maintenant, je peux me venger. Au revoir. Bonne chance, petit. Billy, je te souhaite aussi une bonne chance. Oh, fais-tu dire au revoir pour moi, Maggie. Tu y penseras, hein, c'est promis. Oui. Au revoir à tous. Pour qui est-ce que tu te prends, dis-moi, Bruce Lee, Rambo? Souviens-toi que tu fais pas la loi, moi si. Tu as appris le kung-fu pour te venger, pauvre idiot. Ils sont bien trop forts pour toi, même moi je risque d'y laisser ma vie. Je n'ai peur de rien. Je vengerai ma famille, quoi que vous puissiez me raconter. Vous pourrez m'arrêter après, si vous voulez. Écoute-moi, Billy. Tu n'es pas de taille à battre Devil. C'est perdu d'avance. Tu n'y arriveras jamais tout seul. Ça, c'est vous qui le dites, mon vieux. J'ai des amis et ils m'aideront, je le sais. Mais je t'en prie, Billy, ne joue pas les héros, fais-moi confiance. Laisse tomber, tu veux, et si tu sais quelque chose, alors dis-le-moi. Par exemple, si tu sais où se cache Ted Devil, je te demanderai de me le faire savoir, d'accord? Et je te promets que toute ta pauvre famille sera vengée. On fait comme ça? Bon, je vous fais confiance. Dis-moi, chérie, où sont les enfants? Ils jouent dehors. Ah. Personne ne mourrait le couteau. Il y aura assez d'eau pour ce soir? Oui. Ah. J'espère que vous allez bien. Oui, nous venons de vous laisser avec le défi Ninja Ninja qui va être présenté ce soir au Brouhaha, coin de l'Oremier des Carrières, à compter de là, là. Alors, bonsoir Lynn. Bonsoir Laurane. Comment vas-tu, papy? Ben là, tu réponds ou tu poses la question? Ben là, je vais mieux puisque je suis maintenant en ta présence et en celle de nos charmants auditeurs à la maison. Bonsoir. Peu importe l'heure, la journée à laquelle vous nous écoutez, sachez que vous mettez un baume sur les plaies de mon cœur. Quelle poésie je fais en cette dépression saisonnière. Bien sûr, Laurane, tu me diras, c'est pas